Bonjour cher Emmanuel et bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans l'univers sans fin d'Existence, le jeu qui n'a ni début ni fin et dont les règles sont à découvrir à mesure que vous jouez. Pour jouer, c'est très simple. Il vous suffit de brancher un cordon dans le bas de votre dos et la réalité s'adaptera d'elle-même. Que vous soyez joueur ou non, dans tous les cas, it's going to be a wild ride. Rassurez-vous, si vous n'avez pas envie de vous faire pénétrer par un logiciel de jeu, le héros du film, et donc du jeu, Ted Pickle, lui non plus, n'a aucune envie d'être ici. I don't want to be here. Non, Pickle. You just got a bad case of first-time user anxiety. Je déteste cet endroit. Je ne sais pas ce qui nous arrive. On est là tous les deux. On se déplace à tâtons dans ce monde informe aux règles et aux objectifs totalement inconnus, apparemment indéchiffrables, voire même probablement inexistants, toujours à deux doigts de se faire assassiner par des forces auxquelles on ne comprend rien. C'est une bonne description de mon jeu. Un jeu invendable ou très difficile à commercialiser. Mais auquel tout le monde partout joue déjà. Le caissier a dit qu'on le trouverait dans un endroit familier. Ça existe, les endroits familiers, ici? Mon poste d'assemblage. Bonjour Mehdi Belhaj-Kassem. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Vous êtes philosophe et écrivain. Vous avez publié un livre sur le film Existence, lecture d'un film qu'on trouve aux éditions Tristram. Récemment, vous avez publié aux éditions Les liens qui libèrent Dieu, la mémoire, la technoscience et le mal. On n'est pas si loin d'ailleurs du sujet, du sujet du jour. On vient d'entendre, enfin on vient de pénétrer dans le jeu Existence par le milieu. C'est exactement comme ça qu'il faut commencer à en parler, non? Dans le livre Dieu, je commente ce film qui s'appelle Total Recall. Et voilà, Philippe K. Dick, Cronenberg, William Burroughs, enfin c'est des gens qui ont interrogé le lien entre technologie et existence, en fait. Ça veut dire on sait même pas si on est, aussi peu que ce soit, entré dans le jeu. Du début à la fin d'Existence, en y réfléchissant après coup, parce que c'est quand même un texte que j'ai écrit il y a une vingtaine d'années, ça commence à faire long. Et je me suis dit, oui, non, quand même, il s'agit d'un jeu, c'est presque sûr. Et vous avez un doute aujourd'hui? Non, mais longtemps, j'ai eu un doute. La mise en abîme, il y a un côté très baroque dans ce film, il y a plusieurs niveaux de mise en abîme. Est-ce que c'est un jeu, est-ce que c'est pas un jeu? Le cinéma est mis en abîme par la forme du jeu vidéo. Moi j'ai découvert Existence juste après, quelques années après avoir découvert les jeux vidéo. C'est pour ça que c'est un film qui m'a autant frappé, parce que premièrement je suis un fan de Cronenberg, un admirateur, je l'étais depuis longtemps. Et ensuite, parce que j'étais assez d'accord, je me souviens de cette couverture du quotidien Libération, qui avait annoncé Tomb Raider, ils avaient dit c'est l'équivalent de Naissance d'une nation de Griffith, c'est-à-dire c'est la création, vraiment c'est comme la naissance du cinéma. Alors là, récemment, il y a ce jeu qui s'appelle Red Dead Redemption 2, ouais, qui est en train de sortir, qui s'inspire beaucoup du cinéma. Alors, il y a un aller-retour comme ça, une mise en abîme de Cronenberg, de cette question des jeux de vidéo, mais dans une forme cinématographique extrêmement pure. Je trouve qu'à bien des égards, c'est un film qui fait penser dans sa magie et sa poésie à La Nuit du Chasseur. Dans mon livre, je fais souvent la comparaison. Mais il y a aussi une mise en abîme, ça a été moins remarqué, par Cronenberg de son propre cinéma. C'est-à-dire, il récapitule tous ses films, Vidéodrome, Crash, Faux Semblant, Chromosome 3, etc. Il récapitule tout ça, et ça me fait penser à une phrase de Genet dans un article merveilleux sur les frères Karamazov de Dostoïevski. Il dit « Certains génies, après avoir eu du génie, ont quelque chose encore plus, c'est qu'ils savent se moquer de leur propre génie. » Donc vous voyez, pour moi, ce film est passionnant, et je l'ai vu un nombre incalculable, plus de 60 fois, je raconte souvent, parce que il y a cette mise en abîme du jeu, cette mise en abîme du cinéma, cette mise en abîme par Cronenberg de sa propre œuvre. Et la preuve, c'est que Cronenberg, après Existence, a complètement abandonné ce qui définissait son style avant. On passe vraiment à autre chose avec History of Violence, avec, comment s'appelle celui d'après, Les Promesses de l'Ombre. Les Promesses de l'Ombre sur la mafia russe. On en parlera demain. Les films sur Freud, etc. Alors imaginez un groupe de personnes qui se retrouvent dans une salle, ça pourrait être un lieu de culte, sur une estrade, on a une dizaine de personnes qui se posent en arc de cercle. Un homme se lève et écrit sur le tableau, à la craie, Existence. Written like this. One word. Small e, Capital X, capital Z. Existence. It's new, it's from Antenna Research, and it's here, right now. Nous tenons à fidéliser notre clientèle et nous voulons que vous nous aidiez à tester nos produits. Nous formons une famille, Antenna et vous. Ceux d'entre vous qui ont déjà participé à nos séminaires savent que j'ai pour habitude d'initier moi-même les groupes à nos nouveaux jeux. Mais ce soir, ce ne sera pas moi. Non. Pour cette série d'essais et le lancement d'Existence par Antenna, nous avons choisi de faire appel à un guide tout à fait exceptionnel. Oui. La plus grande créatrice de jeux de la planète est ici, en personne, avec nous, pour vous initier ensemble à sa toute nouvelle création, Existence, produit par Antenna. Je vous présente la grande prêtresse du GamePod, Allegra Geller. Le monde des jeux est plongé dans une sorte de léthargie. On programme les gens à accepter tellement peu de choses, alors que les possibilités sont immenses. Existence, c'est autre chose qu'un jeu. C'est tout un nouveau système. Et il fait appel à une série de nouveaux jouets que vous serez les premiers à essayer. Existence est autre chose qu'un jeu, c'est aussi un nouveau système. Elle ne croit pas si bien dire, mais dit Belhaj Kassem, parce qu'on peut quasiment parler de système philosophique. Vous allez jusque-là, en tout cas de réflexion philosophique. Moi, je me souviens très bien dans les interviews que Cronenberg donnait à l'époque, il faisait référence, il citait Heidegger, il citait Kierkegaard. Il fait beaucoup référence aux philosophes, oui, dans les entretiens qu'il donne. Et en particulier à la philosophie, on va aller vite, existentialiste. Donc voilà, Kierkegaard, Heidegger... Presque rien ne change, à part toutes ces histoires de flingues, de mœurs qui sont là. Mais une fois de plus, il y a beaucoup de dérision là-dessus, parce que ça fait pas vraiment peur. Ça, c'est le thème un petit peu de mon livre. C'est comment il arrive à faire de l'angoisse un affect très différent des films de suspense, des films d'horreur, y compris tels qu'il les a refaits après dans History of Violence, dans Les Promesses de l'Ombre. Là, ça fait pas peur. C'est comme si l'angoisse était saisie par elle-même. Donc, il y a un geste philosophique pour moi très fort. Effectivement, très, très proche des réflexions de Kierkegaard et de Heidegger. Les gens s'étaient un peu moqués de lui à l'époque en disant, ah, c'est pédant, pour qui il se prend, cette philosophie à laquelle on comprend rien. Et moi, inversement, toutes ces références philosophiques, en tant qu'autodidacte, je commençais à faire mes premières armes, on va dire, en connaissant rien du tout. Donc, j'étais en tant que philosophe peut-être aussi paumé que le pauvre Tate Paykel. Le personnage principal qui n'a pas du tout envie de rentrer dans le jeu. Qui n'a pas du tout envie d'entrer dans le jeu, enfin, tout en étant, voilà. Et puis bon, c'est un acteur que j'aime vraiment beaucoup. Donc, il y avait aussi c'était facile pour moi de m'identifier. J'étais fan de Jennifer Jason Leigh, mais alors depuis que j'étais ado, pour moi, c'était qui joue celle qu'on présente comme la prêtresse, Allegra Geller. Voilà, je dis, c'est une actrice semi-maudite, mais sublime. Voilà. Alors, pour moi, c'était, j'avais rendez-vous avec ce film, fan de Cronenberg. Ayant cette intuition que les jeux vidéo deviendraient peut-être... Alors aujourd'hui, oui, parce qu'on est en 99 au moment où il sort. Voilà. Les jeux vidéo, évidemment, existent déjà. Oui. Les discussions autour du statut des jeux vidéo étaient peut-être moins présentes qu'aujourd'hui en 2018. Ah, je sais pas. Moi, à l'époque, j'ai ressenti ça très fortement. Et comme on n'a pas le temps de tout faire, je passe pas mon temps... Je joue plus aux jeux vidéo depuis 15 ans. C'est comme arrêter de fumer des joints. Je me suis arrêté du jour au lendemain. D'ailleurs, à peu près au même moment, les deux, pour tout à fait aller ensemble. Par contre, Existence, je le revois. Vous parlez de jeux vidéo, mais en fait, c'est pas un jeu vidéo. Là, faut le dire tout de suite, Existence. C'est pas sur un écran. Les personnes qui jouent sont branchées dans le dos, dans une espèce de branchement qu'il faut se faire installer. Et ensuite... Un trou dans le dos. Voilà, vivent en temps réel, avec leur propre corps, dans un autre univers que le leur. Dans un autre univers, mais pas tant que ça, parce que ça se passe dans des chalets canadiens qui ressemblent beaucoup aux chalets canadiens où tout simplement Cronenberg doit vivre. Le resto chinois, à mon avis, c'est le resto chinois où il devait avoir ses habitudes quand il filmait. À l'époque, tous ses films avaient été filmés réalisés au Canada. Donc pour moi, il y a un élément, ça aussi peut-être qui n'a pas été signalé, probablement autobiographique, très fort, et peut-être plus fort encore que dans ses autres films. Reste que ce n'est pas l'univers dans lequel les personnages, quand ils ne jouent pas, se meuvent, Parce que tout simplement, lorsqu'ils sont dans le jeu, les personnages sont des acteurs, sont des personnages de jeu. Et un des enjeux de leur tribulation va être d'essayer d'identifier ces personnages-là et de voir comment s'adresser à eux en tant que personnages de jeu. Il y a en fait toute une réflexion que mène Cronenberg et qui est incarnée dans les personnages sur la différence entre le réalisme et le fantastique. Mmh. Et d'ailleurs, les personnages, quand ils s'affrontent, vont dire « mort au réalisme, mort au fantastique ». Oui, sauf qu'on sait pas très bien jusqu'à la fin du film, et c'est pour ça qu'on se le passe aussi facilement en boucle, c'est pour ça que ça a été un tel plaisir d'écrire ce film, parce qu'on peut le revoir des dizaines de fois, on se lasse pas. Et là, il a capté quelque chose du jeu vidéo, c'est-à-dire c'est pareil avec les jeux de vidéo, on est obligé de refaire, parce qu'à chaque fois on se fait tuer, mais on ressuscite, le personnage ressuscite, je pense à Resident Evil, à Tomb Raider, bon, jeu que je jouais à l'époque, et Existence, c'est pareil, on reprend, parce qu'on ne sait pas du tout pour qui travaillent les personnages. Est-ce qu'ils sont contre le jeu? Est-ce que Allegra Geller, qui, on ne va pas spoiler, se révèle après... Mais tous les personnages sont comme ça, ils ne sont jamais ceux qu'ils croient être. Et là, c'est très proche aussi, oui, effectivement, de l'univers schizophrénique. La référence à la schizophrénie est très très importante. Il y a aussi, en plus du côté kierkegaardien et heideggerien, il y a un côté très deleuzien. Et le jeu, une sorte d'accès collectif à la schizophrénie. Michael n'arrête pas de dire, mais on est en pleine psychose, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? C'est un délire à plusieurs, c'est ça qui m'a fasciné. Du reste, après avoir vu le film, on était plusieurs amis comme ça, et on a essayé nous-mêmes de... On a fait un collectif qui s'appelait Evidence, qui s'inspirait du... Le jeu comme œuvre d'art, la vie, l'existence comme œuvre d'art. Et donc ça, c'est des concepts que j'ai travaillé beaucoup plus tard. Le jeu a continué plus que jamais à me poursuivre. Le jeu comme forme esthétique à part entière, le jeu comme forme d'art à part entière, ceci d'une part, et ensuite, oui, cette question de... Allegra se plaint auprès de Ted Paykel, elle dit « ça n'a aucun intérêt de jouer tout seul ». Donc il y a la notion, là c'est le début, encore une fois il y a 20 ans, d'une forme de réflexion sur le branchement et les réseaux, l'organisation tout à fait. D'un jeu à plusieurs. Quand je vois les gamins jouer... Les gamins qui payent 20 euros exprès pour se retrouver dans un cybercafé plutôt que de rester chez eux. Pourquoi? Pour avoir les copains à côté et jouer à des shoot 'em up collectifs en hurlant, en sorte que quand soi-même on est dans le cybercafé, on est un peu gêné par ces adolescents. Mais en même temps, c'est ce qu'il y a d'absolument fascinant et qu'avait très très bien compris Existence avec une profondeur comme ça avant tout le monde. C'est pas amusant de rester chez soi et de démolir des monstres et de les assassiner à la mitrailleuse. Ce qui est rigolo, c'est d'être avec les copains, d'être avec le personnage qu'on est en train d'assassiner, avec, la remarque a souvent été faite, comme si l'art lui-même, depuis la tragédie grecque jusque, je sais pas, au film d'horreur, au film gore, un massacre à la tronçonneuse, en passant par tout ce qu'on veut, comme si l'art n'avait pas été en général. Alors, cette question de la catharsis, c'est-à-dire de regarder des choses pas bien, des choses horribles, des choses... Le jeu vidéo, on a dit, ah, là, c'est nous qui tuons. Et donc, il y a un plaisir à tuer en direct. Il y a un plaisir à assassiner. Moi, je me souviens, le plaisir, la jouissance quasi sexuelle de décapiter des zombies ou à fusil à pompe dans Resident Evil. Et là, voilà, quand je vois ces gamins qui jouent en réseau, qui jouent ensemble et qui ont besoin d'avoir leurs copains à côté, un petit peu comme on voit très très bien dans Existence. Voilà. J'en dis pas plus, j'ai un peu peur de spoiler et de raconter. On va quand même parler du film, parce qu'en plus d'être de proposer une réflexion, vraiment très fine sur la différence entre la fiction et la réalité, pour le dire dans des termes très scolaires finalement. C'est aussi sans doute un des meilleurs films sur l'univers des jeux vidéo, vous aviez raison. Absolument. Il y a 20 ans. Alors, vous parlez de la question de la jouissance qu'on peut avoir à faire des choses dans un jeu vidéo, dans la fiction qu'on ne fait pas dans la réalité. Voici comment Cronenberg lui-même parle de cette question. Il dit tout simplement que dans ce film, ce qui l'intéressait, c'est une forme de relativité de la morale. L'un des thèmes du film, c'est la notion de relativité de la morale. À certains niveaux, ce film est de la propagande existentialiste. Il dit que nous créons notre propre morale. Il n'y a pas de morale absolue, qui viendrait de Dieu, des extraterrestres ou de n'importe où. C'est nous qui l'inventons et la réinventons sans cesse. Au fur et à mesure que la culture, la technologie et notre compréhension de la nature humaine changent. Nos valeurs évoluent en même temps, et moi, en tant que cinéaste, je suis aussi un relativiste moral. Je ne peux pas juger de ce qui est bien ou mal, je peux seulement sentir les choses et vous les montrer. Voilà, et vous le montrez, ce qui est le rôle du cinéaste, hein, qui est de mettre devant nos yeux des images qui, soi-disant, n'ont aucune intention, même si Cronenberg est beaucoup trop intelligent pour penser que les images voilà, se substituent complètement au discours. Ce qui est intéressant, c'est que ce film est contemporain quasiment d'un autre film qui a beaucoup été ressaisi par les discours philosophiques de l'époque, c'était Matrix, où on a cette fois-ci peut-être une vision un tout petit peu plus manichéenne, mais les mêmes problématiques entre la réalité et la fiction. À partir de quel moment est-ce qu'on rentre dans un autre monde? Et pourtant les deux films à la fois sont similaires et, me semble-t-il, définissent deux catégories différentes de philosophes et de spectateurs. Alors ça, c'est pas à moi de le dire, parce que je suis pas du tout entré dans Matrix. Bah, c'est bien ce que je dis. Voilà, ça fait partie de la, j'ai de pourtant vraiment essayé. Je voyais effectivement l'engouement généralisé des philosophes professionnels. Enfin, maintenant que ça me vient, ils sont plusieurs déjà. Donc, il y avait ce livre, dirigé par Elie Düring, il y avait un texte de Badiou, il y avait Rapoin. Matrix, machine philosophique. Voilà, ils étaient quand même tous normaliens. Alors peut-être ça explique, peut-être normal sup, c'est plus Matrix. Et peut-être l'autodidacte que je suis, c'est plus existent. Je ne sais pas. C'est, pour moi, il y a un élément aussi très important, c'est que Matrix, pour moi, reste un blockbuster, peut-être très intelligent. Mais alors, je dois dire que cette intelligence que tout le monde louait dans Matrix, je ne l'ai pas du tout saisie. Et que j'ai une culture vraiment cinéphilique qui s'est développée très précocement, et que voilà, pour moi, Cronenberg est un cinéaste, alors que les frères, je ne sais plus comment ils s'appellent, pour moi, c'est pas du cinéma. Voilà. Alors, on va rentrer dans le film un peu plus, que là, finalement, on a à peine esquissé, même si on a commencé par le milieu et donc on est déjà de plein pied dans le film, c'est-à-dire dans le jeu. On va rencontrer un autre personnage. Donc là, on retrouvera Allegra Geller, donc la créatrice du jeu, qui est devenue un personnage, et toujours en compagnie de Ted Pichel, qui n'était à la base, au début du film, qu'un stagiaire en marketing, qui n'avait même pas de bioport, donc faut même pas, n'avait jamais joué à un jeu vidéo. Alors ça, j'avais montré à des lycéens, quand il se fait un trou dans le dos, des lycéens et des lycéennes, dans une série où je leur montrais des films vraiment de l'histoire du cinéma, qui faisaient voir la sexualité autrement. Et le passage qui les a le plus choqués, mais ils poussaient des cris, alors que ils sont familiarisés très tôt avec le porno, les films d'horreur, les films gore, etc. Non, ça les choquait, le côté un trou dans le dos, et ça choquait et les mecs, les petits mecs, pour des raisons assez faciles à comprendre, mais aussi les femmes, les jeunes femmes comme ça de 15-16 ans. Bah, mais personne n'a envie de se faire un trou dans le dos en même temps. Je sais pas, moi je trouve je suis aussi pervers sans doute que Cronenberg, et c'est sans doute pour ça que j'ai préféré Existence à Matrix peut-être. Voici en tout cas, retrouvons ces deux personnages qui, pour faire en sorte d'équiper Ted Pichel d'un pod, c'est comme ça qu'on l'appelle, ils vont se rendre chez un mécanicien qui est habilité à le faire, mais qui va s'avérer être un peu différent de ce qu'il croyait. Autre acteur fantastique, Willem Dafoe. William Dafoe. What was your life like before? Before? Before it was changed by Allegra Geller. Je tenais une station-service. Pourquoi? Vous tenez toujours une station-service? Oui, mais seulement au plus sordide des niveaux de la réalité. L'œuvre d'Allegra m'a libéré. Libéré. Tu n'as jamais joué à Art God? En un seul mot, A majuscule, G majuscule. Je n'ai pas de bioport. Connectez-vous et devenez Dieu. Art God. Très mystique et marrant aussi. Dieu l'artiste, le mécano. Marrant. Stérilisés, j'espère. Ne te fais pas de soucis. De la façon dont c'est conçu, on pourrait implanter des bioports dans une porcherie sans courir le moindre risque d'infection. Pourquoi vous avez changé de bleu, alors? C'est mental. Ça m'aide à me concentrer. Ce qu'il faut surtout éviter, c'est de louper le point d'insertion. Mon Dieu. Dieu? Le mécano. Passez dans mon bureau. Et on va les suivre dans le bureau où va avoir lieu la scène de l'implantation donc du trou. Alors, plusieurs choses. Déjà, le mécanicien parle, on voit bien qu'il a le plaisir du savoir-faire, il change son bleu de travail avant d'opérer. Mmh. Il explique pourquoi il n'y a aucune chance d'infection. Mmh. Ça, c'est un peu difficile à comprendre, parce qu'on voit cet engin tout rouillé. C'est un mensonge, pas tenté. Oui, mais ce qui est assez drôle, c'est que lorsque le personnage masculin se tourne vers Allegra Geller en lui disant « Mais comment est-ce que ça peut ne pas s'infecter alors que c'est un trou ouvert ?» Elle le regarde et elle ouvre la bouche en tirant la langue, en disant bah, « Regardez, la bouche aussi, c'est un trou ouvert et pourtant la bouche ne s'infecte pas. Ouais, » Et là, on les croit. Ouais. Et ce mécanicien fait donc référence à ce dieu l'artiste qui serait un mécano. Alors, on a ici, c'est une dimension quasiment mystique du film qui apparaît à ce moment-là chez le mécanicien. Mystique, c'est... Alors, il y a comme d'habitude, il y a cette question qu'évoque plus tard... c'est qu'en jouant, et effectivement, il y a cette addiction aux jeux vidéo... un personnage à un moment dit si je passais mon temps ça distend tellement la temporalité, alors ça c'est très l'extase des guerriennes, que j'aurais l'impression si je passais mon temps à jouer aux jeux vidéo, en tout cas ceux d'Allegra Geller, de vivre 500 ans. Voilà, ça amplifie. Gas dit depuis que bon, en gros je passe mon temps à jouer aux jeux d'Allegra, ma petite station-service est vraiment le degré le plus sordide de la réalité. Je m'ennuie ici. Alors, cette question de l'ennui, très heideggerienne aussi, est très, très souvent évoquée. Ça veut dire existence et aussi un jeu. Alors, nous, spectateurs, on s'ennuie pas. Mais les personnages du film, souvent, on a l'impression qu'ils sont tellement paumés. On a écouté le soliloque au tout début de Tate Pikel. Ils s'emmerdent quand même du début à la fin, sauf quand il y a du meurtre et du sexe. Bon, en gros. Ensuite, le personnage de Gas, il y a cette dimension mystique, mais c'est aussi une dimension tout simplement métaphysique. Quand il dit Dieu, le mécano, c'est la philosophie rationaliste classique, c'est Leibniz. Je l'appelle... C'est-à-dire bah, Dieu, c'est le grand horloger du monde. Art God devenait Dieu, écrit dans 7 jours. Dieu, le mécano, moi, ça m'a toujours fait rire. Ça me fait d'autant plus rire que peut-être dans mon village, alors que je me souviens, mais ça aussi Existence le capte très bien, c'est que on jouait à Resident Evil, on jouait à Tomb Raider, et quand je sortais dans mon village médiéval, j'avais l'impression effectivement d'être dans un jeu vidéo, grandeur nature. Et un de mes meilleurs amis dans mon village se trouvait être mécanicien. Donc quand je le voyais, tout ce télescopage entre les jeux vidéo, entre Existence, entre ma réflexion sur Existence, entre les expériences que je menais avec ses amis... Evidence. Voilà, l'art modifie la réalité. C'est ça qui m'a tellement frappé à l'époque avec Existence, avec les jeux vidéo, c'est transformer la vie en jeu. Ouais. Et inversement. Parce que tout l'intérêt de ce film est précisément de doter tout son sens à la distinction entre jeu et réalité. Absolument. Puisque finalement, on va se rendre compte à mesure que le film avance et que les personnages parfois se réveillent du jeu, parce qu'il y a un moyen de sortir du jeu, d'appeler à mettre sur pause. Et bien qu'une fois qu'ils sortent du jeu, ils se demandent s'ils sont vraiment sortis ou si le jeu continue. Et Cronenberg joue là-dessus jusqu'au bout du film. Absolument, mais c'est ça le... Vous parliez d'angoisse. En fait, l'angoisse, elle vient de là. J'ai lu, comme d'autres, j'ai lu très tôt Philip K. Dick, William Burroughs aussi. J'ai trouvé ça assez rapidement aussi dans le cinéma de Cronenberg. Et c'est pour ça que la boucle est bouclée entre ce commentaire que je fais d'Existence il y a 20 ans, les intuitions philosophiques que j'avais, puis Total Recall, c'est-à-dire que je me suis aperçu avec le temps que je partais d'un postulat assez similaire à celui de Bernard Stiegler, c'est-à-dire une sous-estimation de l'histoire de la philosophie, encore jusqu'à aujourd'hui compris, la question de la technique, la question de la technologie. Donc j'ai des artistes comme Philip K. Dick ou Cronenberg, la technologie fait qu'il n'y a plus d'autre réalité que celle façonnée par la technologie. C'est-à-dire le personnage de Total Recall, les personnages d'Existence essayent à tout prix, et c'est ça le motif du réalisme, le motif de l'hostilité au jeu, c'est on va revenir au réel, on va se débarrasser de la technologie. Il y a un élément très important, et alors pareil que je développe... plus aujourd'hui qu'il y a une vingtaine d'années quand j'avais vu le film, et là Cronenberg se pose là, c'est comment est-ce que la technologie devient indistincte du monde physique ? Parce que tous ces instruments, c'est des organes biologiques. C'est ça qui est très frappant, par rapport aux autres films de Cronenberg. Le joystick avec lequel Allegra Geller a besoin pour jouer est vivant. Voilà, c'est des animaux vivants. C'est pas du tout une manette à laquelle on est habitué en métal ou en plastique. C'est vraiment une espèce de poche, on dirait presque un utérus plein avec des boursouflures. Qui ronronne, oui, mais les vrais, qu'elle manipule avec il s'appelle pod dans le film parce que dans les PlayStation, on appelle ça un pad, si je me souviens bien. Et il y avait un vibrateur, par exemple, pour le pad. Quand on tuait un zombie, ouais, ça vibrait comme ça. Donc, Cronenberg, il va, le seul, non, tous, comme, il y a faux semblant, mais il va encore plus loin sur ce mode un peu parodique, sur ce mode ludique, l'indistinction. C'est ça qui est très intéressant entre technologie et en technéphousis, pour le dire en termes. La technique et la nature, oui, parce que les pods dont nous parlons, donc non seulement ils ont une forme d'organe, mais ils sont reliés à un cordon qui est vraiment un cordon ombilical. Organique. Qu'on s'enfonce dans le dos avec pour des jouer. Nerfs, avec le sang qui circule, et, etc. Et Allegra Geller a un rapport à son joystick qui est celui d'une mère avec son enfant. Mm-hmm. Il y a même un moment où celui-ci va être disséqué, on va mm-hmm. voir l'intérieur du pod, et l'opération, le personnage de Ted Packle le dira, mais on a l'impression que vous opérez un caniche. Mm-hmm. Il y a quelque chose de vraiment, c'est vivant, il n'y a plus de distinction ici entre le monde technique et le monde naturel. Oui, comme le type qui fait l'opération est très vexé par la remarque, il dit, voilà, tu vois, on nous compare à de pauvres vétérinaires alors que nous sommes des ingénieurs de très très haut niveau. Alors on peut y voir, les détracteurs des jeux vidéo y ont vu une dénonciation du jeu vidéo qui prend tellement de place dans notre vie qu'il joue comme un effet de ventouse, comme les potes qui viennent s'immiscer dans notre peau. On peut y voir, si on suit Cronenberg et son relativisme moral, au contraire, une manière très factuelle de montrer que si on abolit la distinction entre le jeu et la réalité, finalement ne sommes-nous pas, même dans la réalité, toujours tributaires d'objets que nous croyons étrangers à notre corps mais qui en fait en font partie. Les jeux, c'est quand on pose des règles. Alors, c'est ça qui est intéressant avec Zizem, comme vous disiez tout à l'heure, on découvre les règles au fur et à mesure. Et l'évolution des jeux vidéo, alors on parlait de Red Dead Redemption. Qui sort et qui a très bien compris ça. On sait pas exactement, comme les jeux vidéo d'avant, quelles sont les règles. Elles sont à découvrir au fur et à mesure qu'on joue le jeu. Mais au-delà du jeu, s'il y a du jeu chez l'être humain, c'est parce qu'il est capable de poser des règles. C'est une question très kantienne que je peux pas développer ici comme elle le mériterait. Mais voilà, cette capacité, il n'y a pas de jeu sans règles posées. Et donc, il n'y a pas de jeu sans technologie. Donc, au-delà de la question du jeu, ce qui fait qu'Existen poursuit toute la réflexion de Cronenberg depuis ses premiers films, c'est réellement comment la technologie devient indistincte de la réalité. Alors, une question très intéressante, c'est comment la technologie, par exemple, devient indistincte surtout du corps physique. La sexualité humaine, par exemple, alors là, c'est pour ça qu'elle est tellement présente chez Cronenberg, sur des modes souvent pervers, inquiétants, déviants, etc. C'est comment est-ce que la technologie s'empare du corps et devient le corps lui-même. Il y a une règle du jeu qu'on apprend assez vite, c'est que pour mettre sur pause, il faut crier « Existence is paused ». Existence is paused! On ne joue que si l'on veut, que quand on veut, que le temps qu'on veut. En ce sens, le jeu est une activité libre. Il est en outre une activité incertaine. Le doute doit demeurer jusqu'à la fin sur le dénouement. Quand lors d'une partie de cartes, l'issue n'est plus douteuse, on ne joue plus. Chacun abat son jeu. À la loterie, à la roulette, on mise sur un numéro qui peut ou non sortir. Dans une épreuve sportive, la force des champions doit être équilibrée, afin que chacun d'eux puisse défendre sa chance jusqu'au bout. Tout jeu d'adresse comporte par définition, pour le joueur, le risque de manquer son coup, une menace d'échec sans laquelle le jeu cesserait de divertir. En fait, il ne divertit plus celui qui, trop entraîné ou trop habile, gagne sans effort et infailliblement. Un déroulement connu d'avance, sans possibilité d'erreur ou de surprise, conduisant clairement à un résultat inéluctable, est incompatible avec la nature du jeu. Il faut un renouvellement constant et imprévisible de la situation, comme il s'en produit à chaque attaque ou à chaque riposte. Le jeu consiste dans la nécessité de trouver, d'inventer immédiatement une réponse qui est libre dans la limite des règles. Cette latitude du joueur, cette marge accordée à son action, est essentielle au jeu et explique en partie le plaisir qu'il suscite. I assume that Nader is our entry point into the game. J'imagine que Nader est notre point d'entrée dans le jeu. Oui, très décevant. Nader ? Oui, il est bâclé comme personnage. Son texte est approximatif et son articulation. Ouais. Alors, ces pods sont si petits qu'ils se branchent directement sur le bioport. Oh mon Dieu ! Qu'est-ce qui se passe ? C'est fou ! Le pod, il a entièrement disparu. Quoi? Comment il a pu disparaître? Il m'est entré dans le dos? Il creuse sa galerie dans ma moelle épinière? Pas de panique, ce n'est qu'un jeu. Tu ressens déjà quelque chose? Non, rien. Rien du tout. Je ne ressens rien. Tu veux que je te le fasse? Oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne l'ai pas fait exprès. Ce n'est pas moi, c'est mon personnage. J'aurais pas fait ça, pas ici en tout cas. Apparemment, nos personnages doivent se sauter dessus. C'est probablement une tentative lamentablement mécanique pour augmenter la charge émotionnelle de la séquence suivante. Une tentative mécanique d'augmenter la séquence émotionnelle de la tension émotionnelle de la séquence suivante, c'est donc une réplique d'Existence sur France Culture, les chemins de la philosophie. Nous parlons de Cronenberg cette semaine, aujourd'hui en compagnie du philosophe Mehdi Belhaj Kassem. Le film Existence qui met en abîme la question du jeu, de la fiction et de la réalité. Alors, j'ai lu, Mehdi Belhaj Kassem, un extrait du texte de Roger Caillois, Les jeux et les hommes. Qui est parfaitement adapté à ce film, hein, sur cette, ce fait d'inventer une réponse libre dans les limites des règles, c'est exactement ce qui se passe. Et puis on vient d'entendre un extrait où là on voit qu'ils savent qu'ils sont dans le jeu. Alors en revanche, ils se font surprendre par quelque chose, c'est que le petit pod, alors c'est un jeu dans le jeu. Dans le jeu, ils doivent se brancher pour faire un autre jeu. Voilà. Là cette fois-ci, ce petit, ce qu'ils appellent un pod, donc le petit joystick rentre entièrement dans leur moelle épinière. Et là, ils se sautent dessus dans une scène érotique que vous décrivez pour vous dans votre livre comme étant une des scènes les plus érotiques que vous avez jamais vues au cinéma. Alors qu'elle est très sage. Hein. Au bout de la 60e fois, on n'est plus. je parle juste de la première fois. C'est vrai que l'effet de surprise. Ce qui m'a plu, c'était le côté pervers intelligent de Cronenberg. Ça veut dire contre le spontanéisme sexuel. Ça veut dire ils se sautent dessus parce qu'ils sont obligés. On n'a pas envie de le faire, mais et ça psychanalytiquement. C'est nos personnages qui veulent le faire. Personnages qui veulent le faire, et ça psychanalytiquement, c'est extrêmement profond. Alors on peut remonter aussi à Saint Paul, le bien que je veux faire, je ne le fais pas, le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Freud, mais déjà Kant, c'était ça, c'est ce conflit, et c'est pas une autre question que celle de la technologie, ce conflit entre ce que Kant appelait la volonté et le désir purement animal, purement sexuel. Et nous, êtres humains, animaux humains, il n'y a jamais un désir sexuel purement instinctif, quoi qu'on puisse dire. C'est ce qu'on appelle la pulsion, c'est-à-dire la pulsion est une distorsion des instincts sexuels à travers, appelons ça technologie, appelons ça mimésis dans mon vocabulaire. Ce qui m'a énormément plu dans cette scène, c'est ça. C'est ce côté... Je crois plus tard dans un extrait critique du libre arbitre. On est quand même obligé de jouer, même quand on veut pas. Le pauvre problème de Ted Paikel, c'est qu'il a beau résister au jeu, il joue de bout en bout malgré lui. Mais voilà, c'est ça qui m'avait d'abord excité dans cette scène. Oui, c'est peut-être le motif de certaines pratiques sexuelles comme l'amour courtois, le sadomasochisme aujourd'hui, etc. Mais il y a surtout le jeu revendiqué, on joue le jeu de l'érotisme. Voilà, on joue le jeu de l'érotisme, exactement. Des acteurs qui sont dirigés pour jouer un jeu dans lequel ils se trouveraient dans un jeu qui lui-même propose un autre jeu. Voilà, c'est une des nombreuses mises en abîme dont je parlais au tout début. Voilà. Après, ce film fait 1h30, mais il y a tellement de rebondissements que même en 1 heure d'émission, on peut pas ne serait-ce que faire entre-apercevoir le nombre... Comme vous dites, chaque situation oblige à une improvisation. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'ici, la scène du baiser, qui commence par le fait que le personnage masculin, Ted Paikel, va, au moment où il met le pote dans le dos de la femme... va se voir lui-même se pencher et mettre sa langue dans le trou du pod en disant « Ah, mais c'est pas moi, c'est mon personnage !» Comme si l'entrée dans le jeu, immédiatement, était une forme de pénétration sexuelle. Absolument. Et c'est là la force de Cronenberg. C'est, comme je disais tout à l'heure, c'est cette scène-là. Pourtant, je leur montrais beaucoup d'autres scènes qui avaient tout pour être choquantes et tout ça. Rien ne les choquait, les lycéens, à part celle-là. Ça les a vraiment choqués. Ces histoires du trou, de lécher le trou, de... C'était beaucoup trop déviant pour eux. Et ça, c'est vraiment un des signes, pour moi, du génie de Cronenberg. Mais c'est aussi que cette métaphore sexuelle, on peut la transposer à l'univers du jeu. C'est qu'à partir du moment où on joue, où on décide de jouer, comme le dit Ted Pakul, ce n'est pas moi, c'est mon personnage. De même qu'on peut avoir une hantise à ce que, enfin, la hantise de se faire lécher le dos à son insu. Mais c'est une fois qu'on entre dans l'univers du jeu, on n'est plus maître de soi. C'est pour ça que je citais Saint-Paul, c'est pour ça que je citais Kant. C'est la question que je posais pas à l'époque parce que j'avais pas travaillé sous concept de la catharsis, concept aristotélicien. Quelle catharsis spécifique provoque le jeu? Pourquoi est-ce que sur la pochette, l'affiche du film, c'est déchaîner vos pulsions? Mais c'est pas déchaîner. Pourquoi est-ce que quand on regarde un match de foot, on hurle? Bon, récemment, il y a le film de Lars von Trier, les gens sortent en hurlant. Moi, je l'ai vu, je comprends pourquoi ils sortent en hurlant. Mais c'est plutôt rare dans un film, même un film vraiment comme Massacre à la tronçonneuse, qu'on hurle comme ça en voyant le film. Alors que dans les jeux, voilà, en assistant au jeu, parfois même en y jouant, quel est le type de... Comment est-ce qu'on défoule, effectivement, est-ce qu'on déchaîne nos pulsions dans la forme du jeu? Et ce que vous dites est très intéressant, ça mériterait de long développement et de... longs approfondissements sur cette côté. Oui, le jeu nous débarrasse de notre libre arbitre. Dans le jeu, je fais ce que je ne veux pas. C'est très paulinien, c'est très kantien, c'est très freudien. C'est-à-dire ce qu'en réalité je veux. Comme le disait un très très bon psychanalyste, Pierre-Henri Castel, en commentant justement Freud, le désir, c'est ce que je ne veux surtout pas. Mais alors surtout pas. Le désir sexuel, c'est vraiment ce qui va contre ma volonté morale au sens kantien. En ce sens, le jeu nous mettrait face à notre réalité, celle que nous ne voulons pas voir. C'est que nous croyons fuir le réel, en fait, on se retrouve face à soi-même. Ah bah c'est parce évident qu'avec le masque du personnage, on peut enfin laisser les vivre prendre pulsion. C'est évident dans le jeu vidéo, c'est évident dans l'art. Mais le jeu, la forme du jeu, nous responsabilise encore plus. Je ne sais plus quel jeu comme ça avait choqué pour tout ça, mais il y a souvent des débats comme ça autour des jeux. Ce jeu où on tabassait des clochards. Voilà, et on disait quand même, c'est pas très moral. Mais effectivement, bon, décapiter des zombies, après tout, c'est espèce de... Voilà, ils prennent plaisir quand même à faire des choses pas bien, à tuer. Voilà, c'est... La différence du jeu vidéo, et c'est ça la réflexion profonde, et c'est pour ça que Cronenberg tient à signaler son relativisme moral ou son amoralisme, c'est dire, je ne juge pas. Je ne juge pas pourquoi, parce que le jeu nous plus que dans les autres formes d'art, on n'est que spectateur, on n'est que lecteur, on n'assiste que aux horreurs d'Oedipe ou aux horreurs du tueur en série qui perpète des crimes et des tortures tous plus abominables les uns que les autres. Là, dans le jeu, c'est nous. C'est nous qui tuons d'autres personnages, c'est nous qui éventuellement faisons des choses encore pires. Voilà. Alors, la question de la morale n'apparaît pas en premier plan dans ce film. D'ailleurs, Cronenberg le disait, hein, lui, finalement, cette forme de relativisme moral, lui sait bien. Et c'est vrai que c'est pas un enjeu moral qui est soulevé du tout, ce qui permet de réfléchir sur le statut même du jeu. En revanche, lorsque le personnage de Ted Pakul se retrouve à tuer quelqu'un, à son insu, alors là se pose la question de cette liberté ou de cette fausse liberté. C'est pas à son insu, il sait qu'il est en train de tuer, mais il dit c'est mon personnage qui veut. C'est mon personnage, bah, c'est pas ma volonté. Écoutons-le, voilà. Ils sont assis dans un restaurant chinois, ils commandent un menu spécial, le serveur arrive en leur amenant justement ce menu spécial, et écoutez ce qui se passe. What can I do to make your lunch more pleasant? I found this in my soup and I'm very upset. It's all right. Just a little misunderstanding over the check. Ne faites pas attention, l'incident est clos. Bon appétit. Je ressens une forte pulsion de jeu qui me pousse à quitter les lieux. Par la cuisine, allons-y. Vous avez apprécié ma spécialité? Oui. Ce fut très... révélateur. Oui, ça l'a été aussi pour moi. Vous avez tous les deux brillamment passé notre petit test. Pourquoi fallait-il que le serveur soit tué? Un serveur? entend beaucoup de choses d'une table à l'autre quand les gens se détendent. Un serveur a beaucoup d'occasions de trahir. Il vous a trahi? Il nous a trahi. Là où Cronenberg est très bon, Mehdi Belash Kassem, c'est dans sa représentation du gore à l'écran et dans le son. Mm-hmm. Ce qu'on entend là, même si on n'a rien vu à la radio par définition, on pouvait très bien s'imaginer par le son qu'on entendait à la fois une sorte de cervelle qui explose, le gargouiller des bêtes qui semblent grouiller partout, quelque chose de visqueux. On est vraiment dégoûté juste à l'écoute. Alors ça, c'est très curieux. Je parle peut-être de manière très très personnelle, mais je trouve vraiment ce que je disais sur la capacité à se manquer soi-même, sur cette dimension de mise en abîme, d'auto-parodie aussi, c'est qu'effectivement, tous ces monstres sont visqueux, dégueulasses, etc. Mais je sais pas, moi, je suis pas du tout dégoûté et je n'ai jamais peur pendant le film. Je suis constamment angoissé. C'est vraiment ce que j'essaye d'expliquer dans mon livre. Mais la mouche, quand vous voyez la mouche, vous n'êtes pas dégoûté? Si, la mouche, faux semblant, tous les autres, sauf Existence. Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est le gore y a une sorte, plus atténué. Et ça, c'est pas atténué, c'est il y a un côté irréel. Il y a une façon de se moquer aussi de la violence, de se moquer du gore, de se moquer aussi du monstrueux, de se moquer. Il y a beaucoup d'humour dans ce film quand même. De grotesque, le mot est prononcé par Tate Michael. Tout est grotesque dans ce monde invraisemblable. Donc, et il y a aussi cette question du libre-arbitre. Ça veut dire de se débarrasser du libre-arbitre. De même que la morale est relative, disait Cronenberg, Tate Michael à un moment dit... Le libre-arbitre est une notion très relative, je crois. Le jeu permet de se débarrasser de la volonté au sens kantien, c'est-à-dire de la loi morale, de la règle. Voilà. Et pourtant, vous le dites vous-même, très bien dans votre livre, et là vous venez de le dire, vous n'avez pas peur, mais vous vous sentez angoissé. D'où vient l'angoisse, si ce n'est de ce vertige de la liberté? Alors c'est l'angoisse comme... ça reste, y compris là, en relisant ce livre 15 ans, 20 ans après... Ça reste pour moi le mystère d'existence. Ça veut dire, par quel moyen esthétique parvient-il à faire de l'angoisse une jouissance? Dans le film d'horreur normal, dans le film de suspense normal, ce que je dis par rapport à Heidegger, il dit l'angoisse, c'est ce qui est sans objet. Lacan dira, si, il y a un objet à l'angoisse qui est en gros la jouissance déformée dans l'objet petit a, dans l'objet de désir. Ce que je dis de différent, c'est que dans les films d'horreur, dans les films d'angoisse, l'objet de l'angoisse, c'est de retrouver la peur. Qu'est-ce que la peur? C'est quand on est confronté à une vraie menace physique qui va... Qui est un objet clair. Qui est un objet clair, un meurtre clair, etc. Il me semble, dans Existence, enfin, plus qu'il me semble, la volupté que j'éprouve à Existence, c'est que l'angoisse est détachée de tout retour de la peur. Voilà. C'est ça que je développe dans toute la seconde partie du livre. C'est que cette espèce de décharge d'adrénaline qu'on a dans les... Alors, je parlais du dernier Lars von Trier... qui est un cas très très particulier de catharsis non cathartique, parce que c'est un film très pénible à voir, mais on est content de l'avoir vu au bout de 2h30, mais c'est une torture permanente, donc il n'y a pas de catharsis comme ça immédiat. Il n'empêche, dans la plupart, moi j'aime beaucoup Dario Argento par exemple, Dario Argento, c'est une vraie volupté que de voir des meurtres horribles. Alors, on a beau faire bon bas, c'est la jouissance proprement cathartique que de voir de manière distanciée des horreurs qui évidemment dans la vie ne nous plairaient pas du tout, et qui, une fois qu'ils sont représentés esthétiquement... C'est ça que je dis, l'effet esthétique, et ça c'est ni dans Heidegger ni dans Lacan, l'effet esthétique c'est de transformer la peur en jouissance. Pour aller très vite, on va dire l'angoisse c'est le désir, le suspense c'est ça, c'est il y a une menace on sait pas où, diffuse, omniprésente et pourtant... Mais cette menace, cette angoisse a quand même un objet qui finit par être l'acte horrible, c'est-à-dire le truc qui fait vraiment peur. Dans Existence, ce qu'Existence m'a fait comprendre de très profond... C'est qu'en quelque sorte, l'angoisse est mise en boucle sur elle-même. Pour moi, rien ne fait vraiment peur dans Existence. Quand il abat le serveur, quand il y a des monstres dégueulasses, quand il... Mais non, parce qu'on est dans un jeu, on n'a pas peur, parce que c'est un jeu. Voilà. Ça change tout. Ça change tout. Si le personnage de la mouche était un personnage d'un jeu au sein du film, on n'aurait pas du tout aussi peur. Absolument, exactement, vous avez tout dit. Bah non, vous étiez en train de finir, justement. Vous dites ça. Moi, ça ne me fait pas peur, mais... Alors, d'où vient l'angoisse si rien ne vous fait peur? Eh ben, ça, c'est l'opération esthétique. Ça veut dire de... Je vais faire une comparaison parce que j'analyse ça de manière récurrente dans mon travail. Ça fait penser au masochisme masculin tel que l'a analysé Deleuze de manière très prémonitoire dans son livre sur sa chère Masoch. Le masochisme masculin, hein, c'est très important de le dire. J'ai pas le temps de développer pourquoi masculin. Parce que, et aujourd'hui, dans les pratiques SM à grande échelle, la prophétie de Deleuze est complètement réalisée. Le masochiste est celui qui refuse de jouir et qui s'installe purement dans le désir et dans le fantasme. Voilà. Là, il y a quelque chose de similaire. C'est-à-dire, on peut s'installer dans l'angoisse sans qu'il y ait quelque chose d'effrayant à la clé, sans qu'il y ait une décharge de peur à la clé. Il y a un flottement dans l'existence. Il faut parler un peu de la musique aussi. Oui, la musique qui est fantastique, qui fait vraiment penser à ce truc justement des jeux vidéo où c'est toujours les mêmes musiques lancinantes qui reviennent parce qu'on est obligé de refaire des dizaines et dizaines de fois les mêmes scènes parce qu'à chaque fois on se fait tuer et donc on a une seconde vie pour refaire le même truc et donc on réentend les mêmes musiques. Et un très bon jeu vidéo, la musique doit être vraiment très très bien. Existence capte très très bien tout ça. Il y a quelque chose de répétitif, de lancinant dans cette musique dès le générique, qui correspond à cette mise en boucle, si j'ose dire, je le ressens très très fortement, de l'angoisse sur elle-même. Existence, pour moi, c'est le jeu qui met en forme l'angoisse sans peur, sans la jouissance de la peur qu'il y a dans le thriller, dans le film d'horreur, dans le film gore, dans... voilà. Et d'ailleurs, vous avez vu, c'est vous le maître du jeu, parce que vous parlez de la musique et la j'étais maître du jeu. Et la voici qui arrive. Quand même, Existence, lorsque les personnages sortent du jeu Existence et qu'on se rend compte qu'en fait tout ça n'était qu'un jeu, même si c'est pas le dernier des retournements, mais je vais pas tout révéler. Ils en sortent jamais, c'est ça. Ne révélons pas tout. Oui. Eh bien, quand ces personnages, quand on comprend que ce qu'on vient de voir n'était qu'un jeu et non pas le film lui-même, eh bien, les personnages qui s'avèrent être des joueurs vont parler d'un film qui lui s'appelle non plus Existence, mais Transcendence. Comme si cette fois-ci, il s'agissait non pas de parler du fait même d'être en vie ou d'exister, mais de la transcendance, d'un rapport direct avec un au-delà, avec quelque chose qui échappe à l'immanence de la réalité. Comme s'il y avait un conflit, là, en fait, entre deux propositions de jeu, entre réalisme et fantastique, entre existence et transcendance. Là, je voudrais pas trop tirer les choses par les cheveux, parce que là, c'est quand même très, très, très facile. Le nom n'est pas arrivé au hasard. De tirer par les cheveux et de tirer à soi-même. Ça veut dire d'y mettre les bonnes vieilles catégories philosophiques de la lutte entre transcendance et immanence. Peut-être que le message, c'est que pendant tout le film, ils essayent de saisir à pleine main une immanence qui leur échappe à tout instant. Donc, peut-être que l'explication à la fin, mais là, vous voyez, on tire vraiment à la philosophie. Moi, effectivement, malgré toute mon admiration pour quelqu'un comme Deleuze, pour Épicure et Lucrèce, pour Spinoza, pour Nietzsche, pour Bergson, non, les philosophes de l'immanence, définitivement pas. Je pense que être un être humain, c'est précisément être sujet d'un élément de transcendance. Alors, la volonté, par exemple, voilà, chez Kant, il y a quelque chose de transcendantal sur nos actes purement animaux. C'est peut-être ça, mais pas transcendant. J'ai juste peur d'un petit peu trop tirer par les cheveux philosophiques, comme c'est explicite, effectivement. Non, mais moi, je vous invitais pas tant à surinterpréter de manière philosophique, au contraire, qu'à voir que peut-être Cronenberg, en substituant le terme transcendance à celui d'existence, sur un pied de nez monumental au spectateur. C'est-à-dire qu'en fait, on peut vous dire n'importe quoi qui finit par anse. De toute façon, le problème, c'est qu'on ne sait pas quand le jeu s'arrête. Donc il pourrait y en avoir encore un autre après immanence ou que sais-je encore. C'est ça, plutôt qu'une position philosophique qu'il exprimerait. Il fait des films, mais encore une fois, il n'écrit pas des essais de philosophie. Simplement, il essaye de couper court à toute forme de surinterprétation. Oui. Imaginons un film porno qui s'appellerait Sexistence, par exemple. Voilà. Pour moi, vraiment, le motif, c'est en effet de cette impossibilité. C'est comme dans Total Recall, c'est comme dans Philip K. Dick. On essaye d'échapper à la falsification, mettons, ou à la remodulation du réel par la technologie, et on n'y arrive pas du tout. Cette réalité est elle-même entièrement, de toute façon, de part en part, trafiquée par la technologie. Et dans ce film, comme dans Total Recall, c'est ça que ça parle. On veut sortir du jeu, on veut y entrer, mais c'est la même chose. Or, comme le dit la dernière phrase du film... Hey, tell me the truth. Are we still in a game? Are we still in the game? Sommes-nous encore dans le jeu? C'est la question que pose le personnage Ted Pichel, à laquelle nous ne pourrons pas répondre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette émission se termine, Mehdi Belhaj-Kassem. Enfin, ce qui est sûr, on verra. À reprendre depuis le début. Quand il dit « Sommes-nous encore dans un jeu ?», on n'a qu'une envie, c'est de remettre start voilà. Et de revoir et le film. Et on peut réécouter l'émission et aussi. Et c'est pour ça qu'on finit par le voir, je ne sais pas, 65 fois. Merci en tout cas d'être venu en parler aujourd'hui. Je renvoie les auditeurs au livre que vous avez consacré à ce film, « Existence, lecture d'un film » aux éditions Tristram. Let's take them back. Now it's time that you make your way to the floor. You know what it's hitting for. Go Saigon, get busy. This is your Marvel, get busy. Go get it, get busy. This is it, get busy. I used to walk uptown to see Maria. That nigga sold more blow than a young Harry, yeah. From Punta Cana to Ghana to Ontario, yeah. He made it snow all over the whole barrier, yeah. His little brother Luigi, he was a real nigga. He took mushrooms, they used to make him feel bigger. His job was to pick up the shit like a pooper scooper and drop it off without getting caught by the Cooper Trooper. One day they hit Mario on a jack. Told him they had his bitch want 100 stacks to get her back. He thinking what kind of shit is that? This ain't a video game lane, we finna go tit for tat. He lit a cigarette, took a drag of the cancer smoke, and with the tip, he burnt a hole in a ransom note. And then he wrote with ease, and I quote, y'all must really want one of these in your throat. He said, let my bitch go this evening, or somebody won't be breathing. Cause I'ma call Lizzie, and Lizzie you call Giddy. And Giddy gon' get busy. Go Saigon, get busy. Y'all father, get busy. Go Giddy, get busy. Get busy. Go Saigon, get busy. Y'all father, get busy. Go Giddy, get busy. Get busy. Get busy. I get busy like a motherfucking Sean Paul. And then write your boys in it for the long haul. Some niggas said, Saigon, you a cornball. I spit a fireball, now it's face upon the ball. Lord, have mercy on my foes. Cause I can get these niggas killed with my eyes closed. God knows I'm a gangster to the core. I'm very familiar, I'm not a stranger to the war. And I maneuver through the sewer like human manure. I'm like hard liquor, my nigga, you a Kahlua. I do an old school dance like a Roger Rabbit. Soon as I hear this beat, it's like it's automatic. I get busy, spin around to a nigga get busy. Yeah, it's giddy. Canada, can't deny I get busy. Go Saigon, get busy. Your father, get busy. Go giddy, get busy. Get busy. Go Saigon, get busy. Your father, get busy. Go giddy, get busy. Get busy. Get busy. I get up, go to the bathroom, move my bowels. Hop up out of the shower, use the towel. Picture me not having no new apparel. That's like spelling the word, not using the vowel. This game ain't easy, shit is a hurdle. They say to win, I gotta get rid of these turds. To show the world that I'm so sick with the verbals. And watch out for them bloggers, the niggas that murk you. Attention all haters, get off your boy dick. Tell your bitch to come in, she can play with my joystick. Up, up, down, down, left, right, B, A, B, A. Starting, I tear it apart. But that's a whole number game. So when I'm done with your dame, I just jump in my car. In the dark, did I say car? Oops, I meant Range Rover. Matter of fact, game over. Saigon, get busy. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est grand temps de retrouver le journal de la philo d'Anastasia Colosimo. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Anastasia. Bonjour Adèle. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un livre d'Éric Sadin, « L'intelligence artificielle ou l'enjeu du siècle, anatomie d'un anti-humanisme radical », paru aux éditions L'Échappée. Éric Sadin, le nom vous est familier, c'est l'auteur d'un ouvrage qui a fait grand bruit en 2016, « La siliconisation du monde, l'irrésistible expansion du libéralisme numérique », également paru aux éditions L'Échappée. Dans ce livre, Sadin expliquait que la Silicon Valley ne se présente pas seulement comme un modèle économique, mais aussi comme un modèle civilisationnel fondé sur une organisation algorithmique de la société, entraînant le dessaisissement de notre pouvoir de décision. Après s'être attaqué au mythe de la Silicon Valley, Sadin, dans son nouveau livre, a donc décidé de s'attaquer à un autre mythe de l'époque, l'intelligence artificielle. D'ailleurs, L'auteur le rappelle dès l'introduction. L'intelligence artificielle est moins un mythe qu'une véritable obsession. Depuis le début des années 2010, elle représente même l'enjeu économique jugé le plus décisif dans lequel il convient d'investir urgemment. Que l'on pense aux États-Unis, qui élaborent des plans stratégiques d'envergure portés par la NSA, l'Agence nationale de sécurité, le secrétariat à la défense, mais aussi par quantité d'universités et d'instituts de recherche, à la Chine, qui s'est imposé une feuille de route précise pour devenir leader mondial incontesté en matière d'intelligence artificielle d'ici 2030, à la Russie, qui investit massivement dans l'IA, Vladimir Poutine considérant que la nation qui deviendra leader de ce secteur sera celle qui dominera le monde, ou encore aux Émirats arabes unis, qui sont allés jusqu'à créer un ministère de l'intelligence artificielle, la conclusion est sans appel. L'intelligence artificielle est la grande ivresse de l'époque. Elle ne touche d'ailleurs pas seulement les États, mais aussi les GAFAM et toutes les entreprises du monde qui espèrent tirer leur épingle du jeu. Il est vrai après tout que l'intelligence artificielle semble ouvrir des perspectives inédites. Ces systèmes auto-apprenants, ce que l'on appelle le machine learning, permettent en effet de produire des informations et des analyses à une vitesse qui dépasse de loin nos propres capacités cognitives. Seulement, pour Eric Sadin, l'application de l'intelligence artificielle à tous les domaines économiques et sociaux relève d'un véritable changement de statut des technologies numériques. Les technologies numériques ne sont plus seulement destinées à nous permettre de manipuler de l'information à diverses fins, mais, je cite l'auteur, à nous divulguer la réalité des phénomènes au-delà des apparences. Autrement dit, l'intelligence artificielle n'a pas vocation à accompagner l'action humaine, mais elle s'impose comme énonciatrice de vérité. Le renversement n'est pas des moindres. Ce n'est plus l'homme qui s'appuie sur la technique, c'est la technique qui guide l'homme. Ce renversement, Sadin l'appelle le tournant injonctif de la technique, phénomène unique dans l'histoire de l'humanité qui voit les techniques enjoindre les humains d'agir de telle ou telle manière. Les exemples d'ailleurs ne manquent pas. L'injonction peut être incitative, comme dans une application de coaching sportif qui suggère tel ou tel exercice ou complément alimentaire. Elle peut être aussi prescriptive dans le domaine médical, avec la mise en place du diagnostic automatisé, dans le domaine bancaire, avec la mise en place d'un examen automatisé pour l'octroi d'emprunt, ou encore dans le secteur du recrutement qui use de robots numériques, des chatbots, pour sélectionner des candidats. Ici encore, on pourrait naïvement se réjouir de telles avancées, mais selon Sadin, elles masquent une réalité terrifiante, celle de la marginalisation de l'évaluation humaine par rapport à l'expertise automatisée. Et partant de là, un effacement du politique au profit d'un assujettissement aux résultats produits par les machines. Faut-il alors chercher à mieux réguler l'intelligence artificielle ? Non, répond Eric Sadin, car la régulation est une vaste fable, pour ne pas dire une vaste blague. Penser que le législateur peut nous prémunir de certaines dérives, c'est ignorer que nous vivons désormais sous le régime d'un ordolibéralisme entièrement voué à soutenir l'économie de la donnée, des plateformes et de l'intelligence artificielle au nom de la croissance. Ce qu'il faut, c'est un sursaut beaucoup plus profond contre ceux que Sadin appelle les évangélistes de l'automatisation du monde, ces représentants d'un anti-humanisme radical. Plus nous sommes dessaisis de notre pouvoir d'agir, et plus nous devons nous imposer d'être agissants. C'est l'appel qu'émet Eric Sadin dans la dernière partie de son ouvrage, qui se présente sous forme de manifeste. Notre ambition ne doit pas être de nous doter d'une puissance sans limite sur les choses, mais plutôt de cultiver nos propres capacités humaines, au premier rang desquelles notre pouvoir créatif. L'auteur le martèle, il ne représente pas la caste des inquiets face à celle des enthousiastes. Il ne fait pas non plus preuve d'un catastrophisme exagéré. L'enjeu est bien plus important. Il est proprement civilisationnel. Je vous rappelle le titre de l'ouvrage d'Eric Sadin, paru aux éditions L'Échappée, « L'intelligence artificielle ou l'enjeu du siècle, anatomie d'un anti-humanisme radical ». Merci beaucoup Anastasia, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Un grand merci à Isis Jourda qui a préparé cette émission avec Marie Simon, Sharon Houry, Anaïs Isbert, Colomba Grossi et Géraldine Mosnes à voix bien sûr. C'est Philippe Baudouin qui est la réalisation cette semaine, Delphine Baudet à la prise de son. On se retrouve demain pour la suite de notre série sur Cronenberg. Demain nous parlerons de A History of Violence et des promesses de l'ombre en compagnie du philosophe Olivier Pourriol. D'ici là, pour écouter cette émission sur Existence, c'est très simple. Rendez-vous sur le site de France Culture, page des chemins de la philosophie. Vous pourrez la réécouter en ligne, mais aussi la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez, à volonté, avec les personnes de votre choix. Rendez-vous également sur les réseaux Instagram, Facebook, Twitter, où nous attendons vos remarques et commentaires. Allez, on se retrouve demain à 10h sans faute. On sera ponctuels. Vous aussi, j'espère. Et d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.